Ok. Volume 3, capot décapé. J'suis en fumette dans la location. Là j'accélère, elle a des sensations. J'fais des délits là-bas dans le caleçon. Et j'fais le signe du lance en célébration. Ne te mêle pas de nos conversations. Mon quartier ça tombe pour association. Pour braquer la snap, faire des rotations. Y'a pas que chez les Schmitt qui a des convocations. Un peu de vodka au fruit de la passion. À deux doigts de faire sauter la caution. Tout le monde caisse quand j'suis à la station. Y'a mon disque d'or à l'alimentation. Oh j'entends les pimpons, pimpons, pimpons. Descendre ça prend des 20 ans, 20 ans, 20 ans. Pour rien ça sort le peupon, peupon, peupon. Oh j'vais lui mettre un plan, elle a des implants. C'est là c'est les sangs. C'est là c'est les sangs. C'est là c'est les sangs. Tu reviens comme si de rien n'était, mais où t'étais? À dire qu'avant de percer, j'ai pensé à tout laisser. Je traînais la maman pour moi, elle s'inquiétait. Maintenant je fais de la zika, je fais danser les tika tout l'été. Je suis pas un héros, je peux pas tout remettre à zéro. Déjà rapte avant l'apéro, avec les sancho les frérots. Moi j'ai des trucs à faire, sans mon boucan à boire des verres. À l'ancienne y'avait R, gros, je faisais mes petites affaires. Sangria.